otro foyer. Je t'en supplie, ne gâchez pas notre foyer. Je t'en supplie, ne gâchez pas notre amour. Je t'en supplie, ne gâchez pas notre amour. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Oh, c'était pendant la nuit, en plein sommeil. Ils étaient venus fortement armés. C'était pendant la nuit, en plein sommeil. Ils étaient venus fortement armés. Sur une table, je étais étalé comme une chèvre à l'abattoir. Sur une table, je étais étalé comme une chèvre à l'abattoir. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Oh mon père fusier, ma mère ensevelie vivante. Mes frères et sœurs sont tous morts. Mon père fusier, ma mère ensevelie vivante. Mes frères et sœurs sont tous morts. Ne me quitte pas, chérie. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, chérie. Ne me quitte pas. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Ce qui m'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. C'était malheur qui est venu sur moi. Supplie, ne gâchez pas notre foyer. Je t'en supplie.